Et je suis pas dans game, ouais. Et je suis pas dans game, man. Je suis dans caisse, caisse, gasoline. Ta meuf sur moi comme du trampoline. Chez toi c'est triste comme une crampoline. On va troquer tous les matchs comme un trap à Tony. Nos ondes ont des boules et t'as le track. Voilà à la balade un autre train. Et je vois ton équipe à la traîne. Ton équipe c'est racket à la fac. Et mon équipe dans ce caisse. Et sous Quapo et Somaz. Bientôt du champagne et puis du jazz. Et moi j'annonce 40 degrés, pas de nuages. Aucun bâton dans nos rouages. Hey, t'as fait pour retoucher le chômage. Faire ce que t'aimes dans la vie, gros, c'est dommage. Au-dessus de toi, y'a Damoclès. Au-dessus de toi, y'a Dame Nature. Pire que la fin, y'a la damnation. Mais bon, je refais jusqu'à la mortée. Tout ça est à portée. Je veux poser dans un port d'Italie. Pas un 30 mètres carrés à port d'Italie. Fusil sur l'épaule qui a précision puissance et portée. Et je suis pas dans le jeu, man. Et je suis pas dans game, man. Et je suis pas dans le jeu, man. Désolé. Et je suis pas dans le game, man. Nanananana. Et je suis pas dans le game, man. Et je suis pas dans le jeu, man. Désolé. Et je suis pas dans le game, man. Et je suis pas dans le jeu, man. Et je suis pas dans le game, man.